prêchais mes pleurs, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jézabel, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Yeah.